Scène 6e, St. John's Wood, chapitre 1er. C'était environ 15 jours avant Noël, mais le temps ne laissait entrevoir encore qu'un indice des gelées et des neiges qu'on regarde généralement comme les précurseurs de l'hiver. L'atmosphère était d'une tiédeur contre nature, et l'année à son déclin semblait mourir de langueur, minée par les pluies, énervée par les brouillards. Vers la fin d'une après-midi de décembre, Magdalène était seule, assise dans le logement qu'elle avait occupé depuis son arrivée à Londres. Sur l'étroite petite grille, la houille brûlante se consumait lentement. L'obscurité se faisait autour des maisons ruisselantes et des jardins détrempés que laissaient voir les rideaux entr'ouverts. La clochette d'un de ces pâtissiers ambulants qui parcourent les faubourgs résonnait çà et là, dans le lointain. Installée près du foyer, une petite somme d'argent éparse sur ses genoux, Magdalène, d'un air distrait, faisait glisser d'un côté à l'autre, sur l'étoffe satinée de sa robe, les pièces de monnaie que tantôt elle assortissait, tantôt elle séparait, comme fait un enfant des pièces de son casse-tête chinois. Les reflets indécis qui, de temps en temps, montaient de l'âtre obscur à son visage pâli, laissaient entrevoir des changements qu'auraient constatés avec douleur les amis de sa jeunesse. L'amaigrissement de toute sa personne avait, en quelque sorte, élargit ses vêtements, et sans qu'elle eût pris la peine de les rajuster. L'ancienne activité de ses gestes, la mobilité d'expression qui caractérisait jadis sa physionomie, maintenant avait disparu. Sur son visage, une tranquillité passive et mélancolique, un calme qui ne lui était pas naturel, et que rien ne semblait pouvoir modifier. Mr. Pendril, venant à la voir sous ce nouvel aspect, aurait atténué la dure sentence qu'il avait portée contre elle, et Mrs. LeCount, enivrée de son triomphe, aurait pris enfin pitié de son ennemi déchu. 4 mois à peine s'étaient écoulés depuis le jour où Aldborough avait vu s'accomplir le triste mariage, et déjà le châtiment de cette journée coupable se trouvait infligé providentiellement. Infligé par d'inutiles remords, par un isolement sans espoir, par une défaite irrémédiable. Il doit être dit à sa décharge, et la vérité qui n'a rien dissimulé de la faute ne doit rien ôter à l'expiation, il doit être dit que la coupable n'avait puisé aucune joie, aucun triomphe secret dans sa victoire d'un jour. L'horreur qu'elle se faisait à elle-même n'avait jamais été plus forte qu'à l'époque où elle avait vu se réaliser la conception vengeresse de son mariage avec Noël Vanstone. Jamais elle n'avait subi d'aussi rudes angoisses que lorsque les capitaux provenant de Combraven lui avaient été assignés par le premier testament de son mari. Elle n'avait jamais compris l'ignominie des moyens employés pour arriver à son but et la dégradation qui en résultait pour elle, comme le jour où ce but s'était trouvé atteint. De ce sentiment était issu le remords, qui l'avait irrésistiblement poussée à demander le pardon et la consolation que la tendresse de sa sœur pouvait lui accorder encore. Quant au dessein qu'elle avait fait vœu d'accomplir, jamais depuis qu'elle lui avait livré l'accès de son cœur, jamais depuis qu'agenouillée devant le tombeau de son père elle avait cru y voir une inspiration d'en haut, jamais elle ne s'était sentie si près de le reconnaître pour une inspiration fatale et de l'abdiquer définitivement. Jamais enfin, l'influence de Nora n'aurait pu produire un changement plus heureux que le jour même où cette influence fut détruite. Le jour où les fatales paroles furent surprises chez Miss Garth, le jour où la lettre fatale arrivée d'Écosse annonça l'éclatante revanche de Mrs. LeCount. Le mal fut produit. La chance fut perdue pour Magdalène. L'occasion et l'espérance lui avaient fait défaut, en même temps, toutes deux. De moins en moins se firent entendre désormais les voix intérieures qui lui conseillaient de s'arrêter sur la pente funeste. La découverte, qui, pour la première fois, la forçant à se méfier de sa sœur, avait en quelque sorte empoisonné son âme, la nouvelle que son époux venait de mourir arrivait au moment où ce poison moral faisait son œuvre, l'amertume poignante du triomphe de Mrs. LeCount, ressentie encore à travers tant de désastres, ne s'était pas combinée en vain. Les remords qui avaient troublé sa courte existence conjugale, amortis désormais, s'était transformé en un désespoir sur lequel rien n'avait prise. Il était trop tard, pour se purifier par la confession, trop tard pour révéler à ce misérable époux les secrets que sa misérable femme avait cachés au fond de son cœur. Innocente d'avoir prémédité mes mensonges, la hideuse trahison dont l'accusait Mrs. LeCount, elle était coupable d'avoir su, en l'épousant, combien la santé de cet homme était fragile, d'avoir su, quand il lui léguait l'équivalent de Combraven, qu'un accident passager, sans effet pour le commun des hommes, pouvait compromettre la vie de celui-ci et l'affranchir, elle, d'un hymen détesté. La mort de Noël Vanstone lui avait révélé tout ceci. Elle l'avait forcé à s'avouer ce que du vivant de cet homme, elle s'était obstinée à méconnaître. Pour échapper à ce reproche qui l'obsédait sans cesse, au tourment d'une méfiance qui désormais n'excluait personne, pas même Nora, au regret amer de ses plans avortés, à l'isolement aride d'une vie où nulle affection n'avait sa place, quel refuge lui restait ? Un seul maintenant. Aussi, se tournant pour ainsi dire vers l'inflexible destin qui la précipitait vers sa ruine, elle l'adjurait avec l'intrépidité du désespoir de hâter sa marche et de la pousser aux abîmes. Depuis bien des jours, toutes les ressources de sa pensée se concentraient sur l'unique préoccupation que lui eût laissée la lettre de l'avocat. Depuis bien des jours, elle avait travaillé à ce qui était la première nécessité de sa position présente, savoir la recherche des moyens par lesquels on pourrait découvrir la contre-lettre. Il ne fallait pas compter cette fois sur l'assistance du capitaine Raig. Une longue pratique des manœuvres militaires avait fait de lui un adepte dans le grand art de détaler sans tambour ni trompette. La charrue de notre agriculteur moral ne laissait derrière elle aucune trace de sillon. Lui-même s'était évanoui comme une ombre impalpable. Mr. Loscombe était trop prudent pour se compromettre dans quelque intrigue que ce fût. Il maintenait, dans une obstination passive, l'opinion qu'il avait émise, laissant à sa cliente le surplus de la besogne et ne voulant rien savoir d'elle jusqu'au moment où elle lui apporterait la contre-lettre. Les intérêts de Magdalene, à partir de ce jour, n'avaient plus d'autre champion que Magdalene. Ce qu'elle ferait dorénavant, il faudrait, à ses risques et périls, qu'elle l'exécutât elle-même. Cette perspective ne l'avait pas effarouchée. Après avoir étudié seule les chances qui pouvaient être tentées, elle était maintenant résolue à les courir seule. « Le temps est venu, » se disait-elle assise près du foyer, « mais il faut d'abord savoir ce qu'on peut faire de Louisa. » Elle rassembla les pièces de monnaie éparpillées sur ses genoux et en fit sur la table un petit tas. Puis elle se leva pour sonner. Ce fut l'hôtesse qui répondit au signal. « Ma femme de chambre est-elle en bas ?» demanda Magdalene. « Oui, madame, elle prend son thé. Quand elle aura fini, veuillez me l'envoyer. Un moment, je vous prie. Votre argent est sur cette table. L'argent que je vous dois pour la semaine passée. Le trouvez-vous ? Auriez-vous besoin de lumière ? Il fait un peu noir, madame. » Magdalene alluma un flambeau. « Avant de partir d'ici, » demanda-t-elle en le posant sur la table, « combien de temps d'avance faudrait-il pour donner congé ?»« D'ordinaire, madame, on prévient 8 jours avant de quitter. J'espère que vous n'avez aucun reproche contre la maison. Pas le moindre. Je faisais simplement cette question parce que je puis être obligé de quitter mon logement un peu plus tôt que je ne l'avais prévu. Le compte y a-t-il ? » ?»« Parfaitement, madame. Voici la quittance. Je vous remercie. Pensez à m'envoyer Louisa dès qu'elle aura pris son thé. » L'hôtesse se retira. Aussitôt que Magdalene se retrouva seule, elle éteignit le flambeau et rapprocha de son propre fauteuil une chaise vide dans le voisinage du foyer. Ceci fait, elle reprit sa place et attendit l'arrivée de Louisa. Son visage exprimait le doute, tandis qu'elle était assise ainsi, le regard machinalement fixé sur le feu qui se mourait. « Pauvre chance, » pensait-elle. Mais si pauvre qu'elle puisse être, il faut néanmoins en essayer. Au bout de 10 minutes, on entendit heurter modestement à la porte. C'était Louisa, qui fut assez surprise en entrant dans la chambre, de n'y trouver pour toute lumière que les clartés du foyer. « Désirez-vous les bougies, madame ? » demanda-t-elle d'un ton respectueux. « Nous les allumerons si vous le désirez vous-même, » répondit Magdalène, et pas autrement. J'ai quelque chose à vous dire. Après que j'aurai parlé, vous déciderez si nous devons demeurer ensemble dans les ténèbres ou en pleine lumière. » Louisa, qui était restée près de la porte, écouta, muette de surprise, cette bizarre allocution. « Approchez, » dit Magdalène, lui montrant la chaise vide. « Approchez et venez vous asseoir. » Louisa s'avança et voulut timidement écarter la chaise placée à son gré trop près de sa maîtresse. Magdalène attira aussitôt le siège à elle. « Non, » disait-elle, « plus près, au contraire. Venez vous asseoir tout contre moi. » Louisa obéit après un instant de frémissante hésitation. « Je vous demande de vous asseoir près de moi, » continua Magdalène, « parce que j'entends vous parler d'égal à égal. C'en est fait maintenant des distinctions qui ont pu exister entre nous. Je suis une pauvre femme abandonnée de tous, livrée à ses seules ressources, et pouvant revendiquer à peine une place en ce bas monde. Je serai ou je ne serai pas votre amie. En tant que maîtresse et suivante, les rapports qui existaient entre nous doivent désormais cesser. « Oh, madame, ne parlez pas ainsi, je vous en prie, » dit Louisa, suppliante et d'une voix faible. Magdalène continua tristement, mais avec fermeté. « Lorsque vous êtes entrée chez moi, » reprit-elle, « j'ai cru que j'aurais peine à me faire à vous. J'ai au contraire appris à vous aimer. J'ai appris à vous être reconnaissante. Depuis lors jusqu'à présent, vous m'avez été fidèle. Vous avez été bonne pour moi. Le moins que je puisse faire en échange, c'est de ne pas nuire à votre avenir. « Ne m'envoyez pas, madame, » dit Louisa sur le ton de la prière. « Pourvu que, de temps à autre, vous puissiez m'aider de quelque argent, j'attendrai mes gages tant que vous voudrez, je le ferai de grand cœur. » Magdalène lui prit la main et continua tout aussi triste, tout aussi résolue que jamais. « Ma vie à venir n'est que ténèbres, » dit-elle, « et je ne sais où je marche. La route que je vais prendre maintenant peut me conduire à la prospérité ou compléter ma ruine. Puis-je vous associer à de pareilles chances? Si votre avenir était aussi incertain que le mien, si vous étiez comme moi, livré sans appui au hasard de l'existence, je n'aurais peut-être pas de remords à vous laisser courir les mêmes hasards que moi. Je pourrais accepter votre dévouement, car j'aurais la conviction de ne vous porter aucun dommage. Mais dans votre situation, comment raisonnerais-je ainsi? Vous avez un avenir à prendre en considération. Vous êtes excellente domestique. Vous pouvez trouver une autre place, une place bien meilleure que celle où vous étiez chez moi. Vous pouvez invoquer mon témoignage et si le certificat que je vous donnerai ne vous semblait pas suffisant, vous pouvez envoyer au renseignement chez la maîtresse que vous serviez avant d'entrer chez moi. Au moment où cette allusion à l'ancienne maîtresse de la jeune fille sortit des lèvres de Magdalène, Louisa lui retira vivement sa main et se leva de son siège avec une sorte de tressaillement effrayé. Il y eut un instant de silence. Maîtresse et suivante se trouvaient toutes deux sous le coup d'une surprise égale. Magdalène fut la première à se remettre. « On n'y voit plus du tout, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle avec intention. « Vous allez sans doute allumer les flambeaux. » Louisa se réfugia dans le recoin le plus obscur de la pièce. « Vous me soupçonnez, madame ? » répondit-elle avec un murmure entrecoupé, haletant du sein de l'obscurité qui l'abritait. « Par qui ai-je été dénoncée ? Comment avez-vous découvert ?» Elle s'arrêta et fondit en larmes. « Je mérite vos soupçons, » reprit-elle après un effort pour se calmer. « Avec vous, je ne puis dissimuler. Vous m'avez témoigné tant de bonté. Vous avez su m'inspirer tant d'affection. Pardonnez-moi, Mrs. Vanstone, je suis une misérable, je vous ai trompée. Venez vous rasseoir auprès de moi, dit Magdalène. Venez tout de suite, ou j'irai moi-même vous chercher. Louisa revint lentement à la place qu'elle avait quittée. Si indécise qu'elle fût, les clartés du foyer semblaient lui faire peur. En se rasseyant, elle se couvrit la figure de son mouchoir et s'écartait involontairement de sa maîtresse. « Vous avez tort de croire que quelqu'un vous ait dénoncé à moi, » dit Magdalène. « Je ne sais de vous que ce que m'ont appris votre physionomie et vos allures. Depuis que vous êtes à mon service, j'ai toujours pu remarquer qu'un certain trouble pesait secrètement sur votre esprit. J'ai parlé aujourd'hui, je l'avoue, afin d'obtenir sur vous et votre passé plus de renseignements que je n'en avais encore. Non par simple curiosité, mais parce que moi aussi, j'ai mes troubles secrets. Êtes-vous malheureuse comme je le suis? S'il en est ainsi, je vous parlerai en toute confiance. Si vous n'avez rien à me révéler, si vous préférez garder votre secret, je n'ai aucun blâme à élever contre vous. Séparons-nous, vous dirai-je tout simplement. Je ne vous demanderai pas comment vous m'avez trompé. Je me rappellerai seulement que durant votre séjour chez moi, vous vous êtes montré au courant de vos devoirs, parfaitement honnête, fidèle jusqu'au scrupule, et c'est ce que j'attesterai à toute maîtresse nouvelle qui viendrait auprès de moi se renseigner sur votre compte. » Elle attendit une réponse. Pendant un moment, mais pas davantage, Louisa parut hésiter. Cette jeune fille était d'un caractère faible, mais nullement dépravé. Loyalement attachée à sa maîtresse, elle trouva pour lui parler un courage que Magdalène ne s'attendait pas à rencontrer en elle. « Si vous me congédiez, madame, lui dit-elle, je ne recevrai de vous aucun certificat avant de vous avoir fait connaître la vérité. Je ne répondrai pas à vos bontés en vous trompant une seconde fois. Feu, mon maître, vous a-t-il jamais dit comment il m'avait arrêté? Non, je ne lui ai jamais demandé. Jamais il ne m'a parlé de cette circonstance. Il m'engagea, madame, sur la foi d'un certificat donné par écrit. Eh bien, ce certificat était un faux. Magdalène se recula, stupéfaite. L'aveu qu'elle venait d'entendre n'était pas celui qu'elle avait prévu. Votre maîtresse avait donc refusé de vous donner un certificat? Demanda-t-elle. Pour quel motif? Louisa se laissa tomber à genoux, et cachant son visage dans le giron de sa maîtresse, ne me questionnez pas. Lui dit-elle, je suis une créature misérable et dégradée. Je ne mérite pas de respirer le même air que vous. Magdalène se pencha sur elle et lui adressa tout bas une question à laquelle Louisa répondit par une sorte de gémissement affirmatif. « Vous a-t-il donc abandonné ?» demanda Magdalène après quelques instants de réflexion. « Non, madame. »« Et vous l'aimez ?»« De tout mon cœur. » Le souvenir de ce mariage sans amour qu'elle-même avait contracté jadis vint tout à coup pénétrer Magdalène d'un remords poignant. « Pour l'amour de Dieu, ne vous agenouillez pas devant moi » s'écria-t-elle dans un élan de franchise. « S'il est ici une femme dégradée, c'est moi qui mérite ce titre et non pas vous. » Elle releva de force la jeune fille et l'obligea de se rasseoir. Toutes deux restèrent ensuite quelques instants sans ajouter une parole. La main sur l'épaule de Louisa, Magdalène se rassit et jetant sur le feu presque éteint des regards où se poignait une amertume inexprimable, « Oh, pensait-elle, quelles heureuses femmes il y a dans le monde, des femmes qui aiment leur mari, des mères qui peuvent sans honte avouer leurs enfants. Êtes-vous maintenant plus calme ? Demanda-t-elle en s'adressant de nouveau à Louisa, et désormais avec bien plus de douceur. Me répondrez-vous si je vous fais encore quelques questions ? Où est cet enfant ? L'enfant est un nourrice. Le père vous aide-t-il à l'élever ? Autant qu'il le peut, madame. Que fait-il? Est-il domestique? A-t-il une profession? Son père est maître charpentier. Il travaille dans l'atelier de son père. S'il a du travail, pourquoi ne vous épouse-t-il pas? C'est la faute de son père, madame. Ce n'est pas la sienne. Son père n'a pas eu pitié de nous. Si ce pauvre garçon m'épousait, il serait chassé de sa famille et de son domicile. Ne peut-il trouver de l'ouvrage ailleurs? L'ouvrage qui rapporte, madame, ne se trouve pas facilement à Londres. Ils y sont tant, si vous saviez. Ils s'arrachent littéralement le pain de la bouche. Si seulement nous avions eu assez d'argent pour émigrer, je serais sa femme depuis longtemps. Et si vous aviez maintenant cet argent, vous épousera-t-il? J'en suis sûr, madame. En Australie, par exemple, il aurait du travail à foison et gagnerait le double et le triple de ce qu'il a ici. Il fait tout ce qu'il peut, et moi de même, pour économiser dans cette vue. Je mets de côté rigoureusement tout ce que me laisse l'éducation de notre enfant. Mais tout cela est si peu de choses. Même avec bien des années devant nous, il semble que tout espoir devrait nous être interdit. Je sais que j'ai mal agi de toute manière et que, dès lors, je ne mérite pas d'être heureuse. Mais pouvais-je laisser souffrir mon enfant? Je fus obligé de me placer. Ma maîtresse était mauvaise pour moi, et quand j'essayais de gagner ma vie comme couturière, la santé me fit défaut. Jamais je n'aurais trompé personne en fabriquant un certificat, si quelque autre chance m'eût été laissée. J'étais seul, madame, j'étais sans ressources, et ne puis que vous demander pardon. Humiliez-vous devant des femmes plus méritantes que moi, dit Magdalène avec tristesse. Il ne me convient pas de vous pardonner. Je ne puis que m'associer à votre chagrin et prendre pitié de vous. Ce que je fais de tout mon cœur. À votre place, moi aussi, j'aurais supposé ce certificat. Ne parlons plus du passé. Vous ne savez pas à quel point vous me faites mal par l'expression de vos remords. Parlons de l'avenir. Il me semble que je puis vous venir en aide, et sans vous porter dommage. Il me semble aussi que vous pouvez m'aider en revanche, et me rendre le plus signalé service. Vous saurez bientôt comment je l'entends. Mais d'abord, supposant que vous fussiez marié, combien vous en coûterait-il pour émigrer tous les trois ? Louisa, par un rapide calcul, évalua le prix d'un passage de troisième classe pour un homme et sa femme se rendant en Australie. Elle parlait bas, avec un accent découragé. Si minime que fût la somme, on voyait bien qu'elle désespérait de l'acquérir jamais. Magdalène se redressa sur son siège et reprenant la main de la jeune fille. « Louisa, lui dit-elle tout entière à cette question, si je vous donnais l'argent de votre passage, que pourrais-je attendre de vous en retour ?» Cette proposition inattendue sembla couper la parole à Louisa. Elle tremblait violemment sans répondre un mot. Magdalène répéta ce qu'elle venait de dire. « Oh, madame, s'écria la jeune fille, est-ce bien là votre intention ? Dois-je croire à un tel bonheur ?»« Oui, répondit Magdalène, j'y songe très sérieusement. Et vous, en échange d'un tel service, que seriez-vous disposé à faire pour moi ?»« Pour vous ? Répéta Louisa. Demandez-moi donc plutôt ce que je ne ferai pas. » Elle essayait de baiser la main de sa maîtresse, mais Magdalène ne voulut pas le souffrir et retira sa main par un mouvement très marqué, empreint de quelque rudesse. « Je ne vous impose aucune obligation, » disait-elle. « Nous nous rendons mutuellement service et pas autre chose. Tenez-vous tranquille et laissez-moi réfléchir. » Pendant les 10 minutes qui suivirent, un silence complet régna dans la chambre. Ce temps expiré, Magdalène tira sa montre et l'approcha du brasier mourant. Le peu de clarté qu'il jetait encore suffit à peine pour qu'elle pût voir l'heure sur le cadran. Il était à peu près 6 heures du soir. « Êtes-vous assez remise pour descendre et faire une commission de ma part ? » demanda-t-elle, se levant pour parler à Louisa. « Ce message n'a rien que de très simple. Il s'agit d'envoyer chercher un cabriolet le plus tôt possible par l'enfant de la maison. Il faut que je sorte immédiatement. Ce soir, un peu plus tard, vous saurez pourquoi. J'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais présentement, le temps me manque. Quand je serai parti, apportez ici votre ouvrage. » Et attendez-y mon retour. Je reviendrai avant l'heure du coucher. » Sans ajouter un seul mot d'explication, elle alluma précipitamment une bougie et se retira dans sa chambre pour mettre son chapeau et son châle.